sans étouffer sous les gages lacrymo des flics. Acte 6 comme acte 66, toujours en merde, on constate qu'on est rien que de la chair à flic. Wow, gilets jaunes.